Merci Alain Soral. J'ai encore une question que la room pose avec beaucoup d'insistance, donc je suis obligé de revenir dessus. Que devons-nous faire en cas de vaccination obligatoire? Ben, il faut essayer d'y échapper par tous les moyens. Je pense que moi, je fais confiance aux médecins. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas seulement des exécutants du pouvoir, mais qui sont aussi, en plus d'être des fonctionnaires, des médecins, des gendarmes, des policiers ou des militaires, qui sont aussi d'honnêtes citoyens, des pères de famille, etc. Donc je pense qu'à un moment donné, l'oligarchie, c'est une poignée de connards cachés derrière une console avec des boutons qui font en général 1,65 m et 65 kilos, qui sont des lâches et des trouillards. Si à un moment donné, ils veulent vous vacciner de force, il faudra qu'ils le fassent faire par l'armée, par la police, par des groupes, etc. Et il faut que ces groupes leur obéissent. Voyez? Et si ces groupes, à un moment donné, qui sont par ailleurs des honnêtes gens manipulés, découvrent qu'en fait c'est leurs enfants qu'on veut empoisonner, c'est les citoyens qu'on veut empoisonner, ils peuvent refuser d'obéir. Et je ne vois pas comment l'oligarchie a les moyens par elle-même d'imposer quoi que ce soit si les relais d'exécutants ne fonctionnent plus. Donc moi, je crois qu'il faut continuer la pédagogie, la formation, non seulement auprès des gens comme nous, mais surtout et prioritairement auprès des gens de la police nationale, qui sont des petits salariés mal payés et souvent de bons citoyens, et des gens d'ailleurs qui communiquent avec moi par Internet, souvent très gentiment. Pareil pour les gendarmes, pareil même pour les CRS. On serait étonné de voir à quel point derrière ces gens en uniforme censés exécuter les ordres de l'oligarchie, il y a de braves citoyens qui se posent des questions. Et je pense que si on continue la pédagogie, la formation et à faire circuler l'info, il se peut à un moment donné que ces gens-là refusent d'obéir, notamment sur la vaccination. Et si la police refuse de vacciner de force, l'armée refuse de vacciner de force, les infirmiers et la médecine sociale et d'État française, l'hôpital français refuse de vacciner de force, eh ben, la clique à Sanofi, la clique à Sarkozy, leur vaccin, ils se le mettront au fond du cul. Vous voyez? C'est clair, hein? Parce qu'on est quand même 60 millions en France, et c'est pas les oligarques de la comment dirais-je et les détenteurs des noyaux durs des laboratoires pharmaceutiques qui sont une poignée de gérontes qui vont aller nous vacciner avec les seringues. Hein, voilà. Donc ces gens-là sont très peu nombreux et sont obligés, pour exercer leur pouvoir, de passer par la manipulation et l'obéissance de grands corps constitués qui ne sont pas des salopards qui ne sont pas des gens qui touchent du pognon. Ce sont des gens qui sont très mal payés, les infirmiers, les infirmières, et qui sont en général des gens politiquement très sains. Hein. Donc je pense que c'est de là, c'est comme ça que l'oligarchie se pètera la gueule, exactement comme l'URSS s'est cassé la gueule, parce qu'à un moment donné, le Parti communiste russe a dit on arrête le mensonge, on arrête les frais. N'oubliez pas que si l'URSS est tombée, et je pense que nous allons assister à un écroulement de l'URSS inversée qui s'appelle le monde libéral, hein, eh ben, si l'URSS est tombée, c'est parce qu'à un moment donné, l'appareil communiste a cessé de mentir et d'y croire et a mis la clé sous la porte. Ce sont les communistes eux-mêmes, c'est la clique à Gorbatchev qui a décidé d'arrêter le mensonge soviétique. Et s'il n'y a pas eu de révolution violente, c'est même pas le peuple russe, c'est simplement le mensonge était trop gros, plus personne n'y croyait, les dirigeants non plus n'y croyaient plus, plus personne ne voulait obéir et suivre, et ça, tout ça s'est écroulé. Sur une rupture de la chaîne d'exécution. Je pense que nous pouvons arriver exactement dans très peu de temps à la même chose inversée dans le monde occidentalo-capitaliste. Hein. C'est-à-dire, à un moment donné, ça cesse d'obéir, de relayer. Quand ça cesse d'obéir et de relayer, l'oligarchie, c'est une poignée de vieux connards et de salopards lâches qui, d'un seul coup, se retrouvent tout seuls avec leurs mensonges et leurs violences. Et ce jour-là, ils vont très vite se cacher au fond de trous quelque part parce qu'ils ont très peur pour leurs fesses. Hein. Et vous verrez que c'est ça souvent les révolutions. C'est les gens qui manipulaient, qui cognaient, qui ordonnaient, qui à un moment donné perdent le contrôle et ça se retourne contre eux. Voilà. Et n'oublions pas que le pouvoir est tenu et exécuté, que ce soit d'ailleurs le pouvoir économique, politique et même médiatique, par très peu de gens. Hein. C'est une poignée de gens. Statistiquement, c'est peut-être 1% de la population. Voilà, donc je le redis, cette pédagogie, elle doit être faite prioritairement auprès de ceux qui sont censés nous forcer à nous vacciner, les policiers, les infirmiers, etc. Et ces gens-là sont connectés à Internet, se posent des questions, ce sont des citoyens, ce sont souvent d'honnêtes gens, et ils ne sont pas rentrés dans la police ou comment dirais-je, ou à l'hôpital public, pour martyriser les gens et pour les empoisonner, les escroquer au bénéfice de laboratoires pharmaceutiques internationaux tout-puissants. Hein. Je n'ai aucun doute là-dessus. Donc, Donc, voyons, ayons confiance dans ces processus de prise de conscience et finalement, où à un moment donné, le plus grand nombre se retrouve prendre possession de son destin parce que, je veux dire, il y a une phrase que je prendrais comme référence absolue, c'est que un petit nombre de gens peuvent manipuler tout le monde un certain temps, peuvent manipuler tout le temps très peu de gens, mais ils ne peuvent pas manipuler tout le monde tout le temps. Et ce très petit nombre de gens va se retrouve de plus en plus face à des contradictions de plus en plus violentes et visibles, et ils ne vont pas pouvoir continuer à manipuler tout le monde tout le temps. Voilà. Et la question de savoir si leur fin est proche ou lointaine, et si cette fin se passera dans la violence ou finalement en douceur. C'est-à-dire qu'ils peuvent très bien à un moment donné se mettre la clé sous la porte et aller se cacher, se carapater, et finalement rendre le pouvoir avant qu'on le leur prenne un peu plus violemment. Voilà mon espoir. Alors, je vais vous poser la dernière question, qui était déjà prévue d'ailleurs, que j'ai laissée vraiment en dernier, mais elle est en deux parties. La première partie, c'est que pensez-vous de la franc-maçonnerie? Et la deuxième partie, en fait, et on clôturera là-dessus, peut-on envisager une candidature d'Alain Soral au présidentiel de 2012 en France? Alors déjà sur la candidature, il faut être sérieux, il faudrait qu'il se passe des événements incroyablement graves en France pour que je sois en position d'aller chercher les 500 signatures et de les obtenir. Il faut savoir que même Le Pen a du mal à se présenter au présidentiel, malgré 50 ans de travail politique et a quand même une organisation qu'il a montée qui s'appelle le Front National, qui n'est pas rien, même si elle est un peu déclinante, et qu'il n'est pas possible, pour des raisons techniques, qu'un garçon comme moi puisse, à mon avis, compte tenu du fait d'ailleurs qu'il a déjà été condamné, notamment pour antisémitisme, puisse avoir les 500 signatures. Donc, je ne crois pas que ça puisse, comment dirais-je, que ma montée en puissance politique puisse se passer par ce genre de voie. Je pense par contre que les gens qui résistent à l'Empire et qui tiennent le discours que le mien sont peu nombreux, et que si à un moment donné la population française, par l'aggravation de la crise, se rend compte que des gens comme moi sont des diseurs de vérité, et que d'autres gens leur mentent, eh ben ils peuvent se tourner un peu plus vers nous et nous donner un peu plus la parole, venir un peu plus à nos réunions, adhérer un peu plus à nos associations. Et je pense plutôt à ce genre d'évolution possible des choses. Hein. Voilà, ça c'est voilà, la première question. Hein.